Jean Bosco, Douiman. Bonjour à vous tous et merci d'être avec nous dans ce journal dont voici quelques titres. Les députés burundais de l'Assemblée législative de la communauté est-africaine disent que la loi a été violée dans l'élection du président de cette assemblée. Vous l'entendrez. Et le parti CNDD-FDD explique que les coalitions des indépendants ont été écartées parce qu'elles causent du désordre. Le secrétaire général de ce parti réfute l'opinion selon laquelle ils auraient peur de la candidature d'Agathon Rwasa, leader de la coalition Amizero. Yabarundi. Et puis, dans ce journal, nous revenons sur les nouveautés apportées par le nouveau projet de révision de la Constitution. Celui-ci montre par exemple que la première session de l'Assemblée nationale débute au mois d'août, au moment où elle commençait avec le mois de février. Une autre nouveauté, c'est que les présidents des deux chambres du Parlement ne devront ne jouir que de la nationalité burundaise. Nous reviendrons sur ces nouveautés. Voilà pour les quelques titres. Isanganiro, la radio de l'avenir. Rebonjour, et je venais de vous le dire, les périodes des sessions parlementaires ont été changées dans le nouveau projet de révision de la Constitution, dans notre série de reportages sur les nouveautés apportées par ce texte. Celui-ci montre que par la première session de l'Assemblée nationale débute au mois d'août, au moment où elle commençait avec le mois de février. Et pour cela, l'Assemblée nationale sera saisie du projet de loi des finances dès l'ouverture de la session du mois d'avril. Quant aux présidents des deux chambres du Parlement, ils ne devront ne jouir que de la nationalité burundaise. Aubin Niyonkuru. Le nouvel article 173 dit en son alinéa 3 que le président de l'Assemblée nationale doit jouir uniquement de la nationalité burundaise d'origine. Il en est de même que pour le président du Sénat. L'Assemblée nationale se réunira en 3 sessions par an et les périodes de sessions seront changées. La première session va débuter au mois d'août, la deuxième au mois de décembre, et la dernière au cours de laquelle sera analysé le projet de loi budgétaire au mois d'avril. Concernant les majorités requises lors des votes de lois organiques, elle est de 3/5 des députés présents ou représentés, alors qu'elle était de 2/3 dans l'actuelle constitution. L'article 205 du nouveau projet indique que l'Assemblée nationale peut présenter une motion de censure contre le gouvernement à une majorité absolue des membres de l'Assemblée nationale. Une motion de censure est également votée à une majorité absolue contre le Premier ministre lorsqu'il accuse une défaillance manifeste dans la coordination de l'action gouvernementale et dans ce cas, le gouvernement présente sa démission. La majorité requise pour une motion de censure est de 2/3 pour l'actuelle constitution. Merci Aubin. Et ce projet de nouvelle constitution écarte les coalitions des indépendants en période électorale parce qu'elle cause du désordre dans nos pays. C'est l'explication donnée par le secrétaire général du parti CNDD-FDD qui donne l'exemple de la coalition Amizero Yabarundi. Selon lui, elle existe sans statut juridique, bien qu'elle soit la deuxième force politique du pays. Évariste Ndayishimiye indique que la nouvelle constitution vient mettre de l'ordre dans la mise en place des coalitions et ne reconnaît que des coalitions des partis politiques. On l'écoute. Si vous allez au ministère de l'Intérieur, toutes les organisations politiques et de la société civile sont enregistrées au ministère de l'Intérieur. Est-ce que Amizero est enregistré au ministère de l'Intérieur? Amizero compte sur la liste qui se trouve à la CENI. Alors, quelle est cette force politique qui n'a pas de statut? Quelle est cette force politique qui ne peut pas dire la ligne directrice de notre organisation, c'est 1, 2, 3, l'exécutif, c'est ceci? Est-ce qu'ils peuvent nous montrer au moins un document notarié qui montre les lignes directrices de la coalition Amizero? D'ailleurs, normalement, si vous lisez très bien la constitution, même cette constitution, les indépendants sont comptés dans les circonscriptions locales. Normalement, les indépendants ne dépassent pas les provinces. Mais ils ont fait un manœuvre, je pense qu'ils ont joué sur la distraction de 2015 pour rechercher une coalition nationale. Sinon, si vous lisez très bien la loi, les coalitions s'arrêtent dans les provinces. Mais ils ont joué le malin, profitant du désordre qu'ils avaient causé, qui a été causé dans la société. Et ils ont fait ce qu'ils ont fait. Est-ce que nous allons continuer à construire sur le mal? Il faut commencer à construire sur ce qui est bon. Donc, pour les années à venir, je pense que c'est mieux que si vous voulez avoir une grande force politique, pourquoi ces indépendants ne peuvent pas s'organiser en parti politique pour présenter ce parti politique s'il veut avoir une connotation nationale. Sinon, il n'y a pas un individu qui peut se prévaloir d'être national. Donc, tout ce qu'il faut, c'est une sorte de manœuvre pour frauder le statut politique des individus. Le secrétaire général du parti au pouvoir nie que le fait de refuser la coalition des indépendants ne serait pas lié à la peur que le parti CNDD-FDD aurait de la coalition Amizero ya Barundi et de son leader Agathon Rwasa. Évariste Ndayishimiye dit qu'il n'a pas peur du parti politique, encore moins d'un indépendant. Je n'ai pas peur de lui. Plutôt, tout individu qui veut mettre le pays au chaos, que ce soit Rwasa ou autre, on s'inscrira toujours en faux contre lui. Le CNDD-FDD combat tout individu qui veut phagocyter le processus démocratique et sécuritaire qui est dans le pays. Et si vous direz, est-ce que Rwasa forcera parce qu'il a peur? Je pense que son comportement, c'est un comportement qu'on ne peut pas expliquer. Parce qu'on ne peut pas avoir peur de quelqu'un qui n'est même pas capable de faire un parti politique pour démontrer sa force idéologique pour la construction du pays. Pourquoi il ne fait pas son propre parti politique pour aller devant la nation et démontrer ses capacités de construire le pays? Donc nous ne pouvons pas avoir peur à quelqu'un qui n'a pas de ligne directrice, parce que si aujourd'hui vous demandez quelle est la ligne directrice sur laquelle peut compter la nation burundaise, chez Rwasa, c'est quoi? Il n'y en a pas, parce que s'il y avait, il pourrait fonder un parti politique et je prendrais les statuts de son parti politique pour voir les idéaux de son parti. C'était le secrétaire général du parti CNDD-FDD, Évariste Ndayishimiye. Et le parti Rana, que se dit prêt à envoyer ses membres pour les démembrements de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, en vue de la préparation de la tenue du référendum constitutionnel prévu en 2018. Nikiza George, porte-parole de ce parti, dit que certaines dispositions contenues dans le nouveau projet de révision de la Constitution sont inacceptables et antidémocratiques. Il précise que son parti est disposé à faire des propositions d'amendements à insérer dans ce projet de nouvelle Constitution. Suivez Nikiza George, il est porte-parole du RANAC. Le Rassemblement national pour le changement vient de prendre une décision de permettre ses militants de déposer, pour ceux qui veulent, de déposer leur dossier au niveau de la CENI et au niveau de ses démembrements. Les motivations sont simples. Le Rassemblement national pour le changement est un parti démocratique. Dans ces changements très rapides, il veut contribuer progressivement pour que finalement la stabilité politique, le consensus politique puisse trouver un intérêt favorable pour tout le monde. Vous avez décidé d'envoyer vos membres dans les CPI et les CCI. Vous trouvez que tout est normal dans la nouvelle constitution? Ce n'est pas normal. Le RANAC est extrêmement préoccupé par la révision de certaines dispositions contenues dans le projet de la nouvelle constitution en cours d'explication dans le pays. Et bien que le RANAC trouve légitime qu'un pays change sa constitution, il y a des préalables, comme je l'ai dit, qui s'imposent dans le souci d'assainir le climat politique. En revanche, le RANAC trouve inacceptable et antidémocratique certaines dispositions contenues dans le projet de la nouvelle constitution. À ce titre, le RANAC constate qu'il y a des ajouts et des omissions graves qui obstruent les principes fondamentaux de la démocratie et autres fondements. Le RANAC porte à la connaissance de l'opinion nationale qu'internationale qu'au niveau de l'amendement de la constitution, le RANAC est en train d'inventorier quelques articles du projet de la nouvelle constitution qu'il juge contraire à l'esprit et à l'état de l'accord d'Arusha pour la paix et la conciliation. Donc, il est disposé à faire des propositions d'amendement à insérer dans le projet de la nouvelle constitution à son excellence Monsieur le Président de la République, dont l'initiative de la révision de la constitution lui revient et conquérant. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. 13h05 à Bujumbura et sur Isanganiro. Le directeur général des transports des biens et personnes précise qu'il y a une décision qui émane du ministère des Transports publics de suspendre la collecte des frais des plaques de conducteurs de taxi-vélo. Consolateur Nitunga indique qu'ils sont en train de voir comment cette activité serait conforme à la loi. Il dit ne pas comprendre que les conducteurs de taxi-vélo soient taxés d'une amende sans recevoir une quittance. Consolateur Nitunga ajoute que des mesures doivent s'appliquer pour punir les contrevenants. Suivez Consolateur Nitunga au micro de Mucho Ornella. Effectivement, il y a une décision qui émane du ministère des Transports, des Travaux publics et de l'Équipement. Le ministre a sorti cette décision de suspendre l'activité de paiement des frais sur les plaques pour les taxis-vélos. Jusqu'à maintenant, on est en train de voir, de redynamiser l'activité, de coordonner ou de réorganiser l'activité pour que ça soit une activité bien organisée et légale et qui est conforme à la loi. Sur cette question en rapport avec les amendes qu'on inflige à ces taxis-vélos, peut-être que ces taxis-vélos sont donnés des quittances pour voir la traçabilité. Peut-être que sinon, je ne peux pas comprendre que les taxis-vélos sont taxés de ces amendes sans toutefois qu'ils aient des papiers justifiant que les taxes entrent dans le trésor public. Dans le secteur de transport, y aurait-il des mesures que vous preniez contre ceux qui violent la loi? Effectivement, les mesures ne peuvent pas manquer parce que toujours dans une loi, des mesures de précaution sont incluses. Donc, pour le cas présent, les mesures, il y en a. S'il y a des contrevenants à la matière, les mesures doivent s'appliquer pour punir les contrevenants. C'était le directeur général des transports, des biens, des personnes, consolateur Nitunga. Je vous l'avais dit dans les titres, les députés burundais de l'Assemblée législative de la communauté est-africaine demandent le respect de la loi régissant cette communauté. Dans un communiqué rendu public ce 20 décembre 2017, ils disent que des lois ont été violées lors de la récente élection du président de cette assemblée. Ces élus du peuple déplorent que cette violation de la loi a été faite malgré une pétition qu'ils avaient adressée au greffier. Les détails avec Kelly Nibel Nibigila. Dans un communiqué rendu public ce 20 décembre 2017, les députés burundais de la communauté est-africaine Eyala déplorent la violation des lois régissant ce parlement. Ces élus du peuple indiquent que cette assemblée législative a violé la loi lors de l'élection de son président tenu ce mardi 19 décembre 2017. Tous les neuf affirment que l'article 53 du traité pour l'établissement de la communauté est-africaine n'a pas été respecté. Cet article 53 de ce traité, en son premier alinéa, stipule que le président de l'Assemblée législative de la communauté est-africaine est élu suivant la rotation par les membres de cette assemblée pour un mandat de 5 ans. Dans son même communiqué, la tenue d'élection du président de l'EALA en absence des députés de la Tanzanie et du Burundi est une violation de l'article 57 du traité de l'établissement de la communauté est-africaine, indiquent ses parlementaires. Ils ajoutent que l'article 12 du règlement d'ordre intérieur de l'EALA n'a pas été suivi. Cet article 12 stipule que le quorum doit être la moitié des députés élus et qu'au moins 3 députés de chaque pays membre doivent être présents. Ces députés rejettent ces élections qu'ils jugent illégales et demandent le respect de la loi. Ces élections controversées avaient été gagnées par le Rwandais Martin Ngoga pour être à la tête de cette assemblée de la communauté est-africaine. Eli Nibel Nibigira. Une aide financière de 36 millions de francs burundis, c'est l'assistance de l'ambassade de Chine à l'endroit des étudiants, de quelques étudiants de l'université du Burundi qui seront admis en master. C'est ce qui résulte d'une convention signée ce mercredi entre l'ambassadeur de la République populaire de Chine au Burundi avec le recteur de l'université, Gaspard Banyangimbona, a lancé un appel à d'autres bienfaiteurs d'emboîter le pas à l'ambassade de Chine au Burundi. Évariste Nzikobanyanga nous en dit plus. Certains des étudiants qui ont réussi au test d'admission à master à l'université du Burundi indiquent avoir bien accueilli cette assistance de l'ambassade de la République populaire de Chine au Burundi. Cela étant, ils demandent à l'ambassade de Chine de fournir un effort pour assister le minimum d'étudiants qui seront admis en master. C'est une décision que j'apprécie beaucoup. Et donc l'assistance que l'ambassade de la Chine va apporter aux étudiants qui vont faire le deuxième cycle de master. Moi, je plaide en faveur de ceux qui n'ont pas eu la chance d'avoir cette assistance. J'aimerais demander à l'ambassade de la Chine d'apporter un peu plus d'assistance pour qu'il y ait un grand nombre des étudiants qui puissent bénéficier de cette assistance. 50 étudiants qui seront sélectionnés, voilà l'effectif de ceux qui vont bénéficier de cette assistance de la République populaire de Chine, a souligné l'ambassadeur de la Chine au Burundi. Plus concrètement, à partir de l'année prochaine, en 2018, nous allons dans un premier temps prendre 50 étudiants bénéficiaires de 60 000 pour leur accorder des facilités dans la poursuite des études. Le recteur de l'Université du Burundi, Gaspard Banyankimbona, explique comment les étudiants vont être sélectionnés. C'est vrai que 50 étudiants, c'est peu par rapport à l'effectif qu'on souhaiterait. Nous, on souhaiterait que tous ceux qui sont admissibles à nos programmes de master trouvent un financement, mais ça n'a pas été possible. Comment les choisir? C'est très simple. On va considérer d'abord que la personne est admise. Il y a une commission paritaire composée par des délégués de l'ambassade de Chine et de l'Université du Burundi qui va s'impliquer. Mais on va également considérer les plus démunis parmi ceux qui sont admis. Il y a un formulaire qu'on a pu distribuer et il y aura des vérifications de ce qui est inscrit. Et éventuellement, les communes seront impliquées. Mais de toutes les façons, comme son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur l'a dit, on va faire en sorte que le processus se fasse de la manière la plus transparente possible et que les plus méritants soient ceux-là qui accèdent à cette assistance. Le recteur de l'Université du Burundi demande à d'autres hommes charitables d'emboîter le pas à l'ambassade de la République populaire de Chine au Burundi dans la promotion de l'éducation de qualité et de la formation professionnelle. Évariste Nzikobanyanga. Et le parti Sawanya Frodebu déclare qu'il ne participera pas aux activités liées au référendum de la constitution burundaise. Il n'est pas question, selon Léonce Ngendakumana, vice-président de ce parti, d'envoyer des candidats au CEPI et Cécile des démembrements de la commission électorale au niveau provincial et communal. C'est au moment où, justement, c'est ce mercredi que prend fin le délai de dépôt des candidatures. Léonce Ngendakumana explique que ce serait une façon de compromettre l'accord de paix d'Arusha et la démocratie au Burundi. Suivez-le. Ce que les gens oublient, c'est que nous avons beaucoup combattu pour l'avenir de cette démocratie au Burundi, jusqu'à ce que nous avons un héros au niveau national pour la démocratie, son Excellence le Président Mekio Ndadaye, et d'autres martyrs de la démocratie, comme son Excellence le Président Djamira, le Président et le Vice-Président de l'Assemblée Nationale, beaucoup de ministres, beaucoup de députés, beaucoup de hauts cadres, beaucoup de Burundais qui ont péri à cause de cette démocratie. Comprenez alors que nous, le Frodebu, nous ne pouvons pas soutenir une voix qui va dans le sens de remettre en cause tous ces actes. Parlez-vous justement de ce référendum constitutionnel? Mais évidemment, regardez le contenu de cette constitution, ça ne vise que cela. D'abord, il y a un article dans cette constitution qui consacre l'inacceptable dans ce pays, la consécration de l'impunité, où on dit qu'une personne qui sera impliquée dans des crimes de génocide, dans des crimes contre l'humanité ou dans d'autres crimes de guerre, ne sera pas extradée pour être traduite devant la justice. Comprenez, ici, on n'a même pas la compétence de le faire. Deux, on a vu la tendance de ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, c'est une amnistie générale. Et pour preuve, regardez, à Arusha, nous avions négocié une commission internationale d'enquête judiciaire qui est devenue une commission vérité et réconciliation aujourd'hui, avec deux missions, enquêter sur les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre, les crimes de génocide, deux, enquêter sur l'histoire du Burundi et la réécrire pour que ce soit une histoire du Burundi et non des partis ou des ethnies. Et regardez, la loi qui crée la sévère, on a omis l'aspect judiciaire. On a vu aussi que le pouvoir en place a refusé de mettre en place la haute cour de justice qui est compétente pour juger le président de la République, les vice-présidents ou le premier ministre, les présidents des deux chambres, au cas il serait accusé de tel crime. On a refusé exprès. Vous comprenez? Cette constitution vient alors matérialiser tout cela et consacrer l'impunité au Burundi. En résumé, toute démarche qui remet en cause les acquis de la démocratie, le Frodebu ne peut pas les soutenir. Léonce Ngendakumana, c'est le vice-président du parti Sawanya. Frodebu, il était au micro de Léonce Witariho. Une des mesures prises par les forces de l'ordre avec les autorités administratives de Bubanza stipule qu'aucune personne n'est autorisée à entrer dans la réserve de la Rukoko avant 7h du matin et après 16h. Tous ceux qui exercent différentes activités sans respecter cette consigne devront quitter cette localité, sinon ils seront considérés comme des malfaiteurs. Cela a été dit ce mardi lors d'une réunion avec les éleveurs et les cultivateurs de Gihanga. Spes Caritas Kavanyana. C'est dans le cadre de sauvegarder la sécurité, mais aussi le patrimoine environnemental de la Rukoko, que ces mesures ont été prises selon les autorités administratives et militaires qui tenaient la réunion. Parmi ceux qui exercent diverses activités dans la Rukoko, aucune personne n'est autorisée à y entrer avant 7h du matin. Et à 16h, tout le monde devra avoir vidé les lieux. C'est au moment où les cultivateurs se lèvent très tôt le matin, d'habitude, pour vaquer à leurs activités champêtres. Quelquefois, ils y arrivent même à 5 heures du matin. Ils demandent quelle heure d'entrée dans la Rococo soit au moins fixée à 6 heures. Mais les autorités administratives et militaires qui organisaient la réunion n'ont pas accepté cette demande. Les riziculteurs ont également émis le souhait de laisser les enfants qui gardent les champs et les protègent contre les oiseaux rester là toute la journée, mais la réponse a été négative. Les riziculteurs disent que si les champs sont laissés aux oiseaux, ils risquent de ne rien récolter. Aussi, une vache qui traversera la route nationale numéro 5 vers la Rukoko sera taxée d'une amende de 100 000 francs burundais et la route nationale numéro 5 sera fermée à partir de 20 heures dans le but de protéger les passagers. Aucun véhicule n'est autorisé à passer à partir de 20 heures, selon le colonel Niholimbere, commandant de la brigade de Mudubugu, Pescaïta Kabanyana, Bihanga, Radio Isanganiro. Merci Spé, c'est pour terminer ce journal. Plus de 80 maisons, 3 salles de classe ont été détruites hier soir dans 3 différents secteurs de la commune Rugombo en province Cibitoke lors des intempéries. Les habitants de cette localité disent ne pas avoir d'abri, raison pour laquelle ils demandent une assistance. De son côté, l'administrateur de la commune Rugombo, Béatrice Kaderi, appelle ses administrés à plus de patience et que les listes et promet que les listes des victimes vont être transmises au ministère de la Solidarité. Il est 13h17 à Bujumbura. Vous êtes branchés sur Isanganiro, c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à le réaliser. Également merci à Toussaint Mitewotsi pour la mise en onde au micro Jean Bosco Nduimana. Nous vous souhaitons de passer une très bonne journée.